Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. 18h. Il est temps pour vous de retrouver toute l'équipe de Destination Série. Dans quelques instants, Laurent et toute son équipe vont vous proposer un nouvel épisode de Destination Série. Pour le moment, installez-vous confortablement pour apprécier ce nouveau pré-générique. Destination Série avec Laurent, Benoît, Manon et le stagiaire. Stagiaire. Eh merde, ça y est, je suis stagiaire, c'est officiel. Non mais c'est bon l'idée du stagiaire, parce que les stagiaires ça dure longtemps hein, dans les séries, voilà. Donc c'est pas une mauvaise place, Sylvain. Si je pouvais démissionner. Bah non, c'est même un pas. Problème. Je peux avec même pas démissionner. Avec les stagiaires, ils peuvent pas démissionner. Sinon, on leur valide pas leur stage, et ils ont besoin que leur stage soit validé. Je l'ai pas vu venir celle-là. Merci Laurent. Alors, je pense que TF1 continue oui. d'écouter l'émission, puisqu'on a dit précédemment que des acteurs jouaient comme des quiches. Et là, on apprend que TF1 a décidé de muscler ses équipes du côté de ses feuilletons. J'ai cru qu'il allait dire et continuer à enfourner les quiches. Ça aurait pu être ça aussi. Et on termine le secte actu avec une grenouille. Ah. Oui. Qui a vu la grenouille vendredi? Ah là là, on a tous pensé à toi. Moi j'y ai pensé mais j'ai pas vu. Et moi tout de suite hein, dès que je l'ai vu apparaître, moi ça m'a fait cet effet. Ah tu l'as reconnu? Non mais tu l'avais reconnu? Non. Hein? Non, j'avais pas reconnu, mais dès que je le vois, je me dis. par rapport aux indices, par rapport. Voilà, je me disais, non, c'est pas possible. Bah oui. Eh bah si. Bah. C'était lui, Patrick Dufy. Ouais. Alias Bobby Ewing. Donc là, je suis excité comme une puce. On n'a pas eu trop d'indices, si ou alors. Ah là, il y a un indice qui vient de tomber, là, c'est la battle de je sais pas quoi, là. Donc il m'a. Ouais. C'est un moment, des moments cultes dans la série, c'est quand il commence à se friter avec les Sylvidres. Et normal, si c'est la version Sylvidre qui reprend, ça peut être énorme. Bon, là, t'es dans ton univers, mais en fait, on parle de Soul Machine qui fait des reprises. Qui va faire une reprise sur Albator. Et qui sort à 20h ce soir. Ouais. Merci Sylvain. Je recadre ma scope. Oui, mais entre. Parce que là, je suis en train. On est passionné, ça part. Comme Lee Majors, comme tu le disais, effectivement, il était déjà star de l'homme qui valait 3 milliards. Et il a insisté pour faire lui-même, d'ailleurs, de nombreuses cascades dans la série. Au grand désespoir, bien sûr, des assureurs. Il a même failli se casser une côte en sautant d'un hélicoptère pour une prise ratée. C'est un métier à risque d'être acteur, parfois. Le générique culte qu'on entend derrière The Unknown Stuntman est chanté par Lee Majors lui-même. C'est plein d'autodérision parce que dans la version originale, qui est peut-être aussi reprise dans la version française, en fait, il balance beaucoup sur les stars hollywoodiennes en glorifiant bien sûr les cascadeurs anonymes. tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Destination série avec Laurent, Benoît, Manon et Sylvain le stagiaire. Voici donc la bande-annonce de cette deuxième saison. Et alors, finalement, je vais dire un truc qu'au départ, j'aimais pas. Et je vais un peu être comme toi, Laurent. Plus je dois vieillir mal, je vieillis mal. Enfin, c'est pas que c'est méchant pour toi. Ça veut dire que je vieillis mal. Non, mais non. J'ai compris ça aussi, moi. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'aimais bien avoir les séries d'un seul coup. Mais maintenant, je trouve qu'un épisode par semaine, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose de. Comme à l'époque, quoi. Comme à l'époque. Ah, oui, je viens de me prendre un taquet quand même. Mais non, mais non. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, là. Discrètement, mais vas-y. Non, c'est pas une taquet. Justement, je te rends hommage. Ah, bah, tu me rends hommage. S'il te plaît, ne me rends pas hommage. Je rejoins le vieux. Là, qui je veux pas dommage. Je ne veux pas dommage. Je te rends hommage parce que tu fais sa trilogie du samedi en fictif chez lui. Mais non, je te rends hommage parce que. Ah, elle est forte celle-là. Non, restez correct. Non, mais c'est... Ah, laisse-moi m'expliquer. Parce que généralement, toi, tu n'aimais pas les trucs fleuves et tout. Non. Et moi, je n'étais pas con. Je me suis dit, des fois, c'est bien d'avoir 3-4 épisodes en même temps, machin. Là, j'avoue que avec Carême, c'était. C'était sympa toutes les semaines d'avoir son petit carême, la petite alerte. Un nouvel épisode de Carême est arrivé. Mmh. Et hop, et là, Buchaner, c'est pareil. On a un épisode par semaine. C'était ça ma petite liaison. Faut travailler tes hommages en tout cas. Est-ce que je peux utiliser oui, ce moment vrai. De Saïra Mudemain dans un pré-générique oui, je valide à fond. Oui, ah, voilà, parce que là, c'est quand même un moment mythique que je voudrais graver dans la pierre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Destination Série. Aujourd'hui, qu'est-ce que vient faire le père Foura là-dedans? Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le frère Grand Benoît, le jeune Sylvain et la belle et sublime Manon. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Et bonjour. Ça commence bien, ça annonce une belle émission. Ça m'a fait ma semaine. Et surtout qu'il est déjà 18h08, 9. Oui. On n'a toujours pas commencé. Oui, oui, non, mais là, franchement, ce moment-là est tellement culte pour moi à partir de maintenant qu'il fallait que je le mette de côté. D'ailleurs, j'ai pensé à un autre truc. C'est que, voilà. Maintenant. Non, mais oui, c'est pas mais... ça. C'est que là, j'ai pris, en fait, dans mon portable, j'ai mis la virgule du mur des hits. Oui. Parce que là, je viens de recevoir un SMS et en fait, j'ai mon fauteuil Stana qui arrive lundi. Ils vont me l'installer chez moi. Voilà, la vanne a été jusque-là. Waouh! Donc, c'est bien Destination Série. Explique pour tous les jeunes qui nous écoutent, qui ne comprennent. Moi, j'ai rien compris. Hein. Voilà. Tu connais pas les fauteuils, ça, là ? C'est des fauteuils pour personnes âgées, pour monter à l'étage, tu sais. Oui. Voilà. Ça permet aux jeunes de rire aussi. Parce que tout le monde ne connaît. Personne, voilà. Les plus jeunes ne connaissent pas les fauteuils, Stana. Ouais. Comme ça, si. D'ailleurs, vous comme on a dit pas. Marc, on devrait dire une autre marque, mais je suis encore. Attends, Sylvain, non, tu ne peux pas m'aider non plus. Pas chez moi non plus. Hein. Non, c'est pas trop. Voilà. Donc, on pourrait citer une autre marque. Parce que malgré ce qu'une certaine personne veut sous-entendre, on n'a pas encore l'âge. Hein. Mais bon, ça pourrait arriver vite. Ça va arriver vite, parce que vu le taquet, comment je me le suis pris le vendredi dernier, et là, je suis rhabillé pour cet été et cet hiver. Donc, Destination Série, c'est bien jusqu'à 19h avant. Pour l'hiver, parce que l'été. Ça sera besoin de s'habiller. Surtout mercredi dernier. Oui, surtout on était plutôt tous à poil chez soi qu'habillés. Mais bon, allez. Donc, destination série avec les rubriques habituelles. Nous aurons, à partir de 19h, le fringant Benoît avec un nouveau numéro de Ça ira mieux demain. Et pour le moment, sans perdre une seule seconde, nous allons faire le 7 actu. Mais je voudrais quand même signaler, elle est apparue, on a entendu sa voix, mais quand même, savourons sa présence. Après des mois et des mois de patience. Il abuse tellement. Nous avons rongé notre frein. Et là, elle est en direct live. Donc, apprécions la présence de Manon, qui sera encore là la semaine prochaine. Mais après, bien sûr. Ah, je sais pas, hein, si on m'embête trop, peut-être pas. Son retour en France veut dire qu'elle est en vacances. Donc, voilà, à partir de la semaine prochaine, elle va partir dans les îles. Donc, on va la laisser. Non, elle va partir au cœur de l'action, là où toutes les feuilletons de France se tournent, c'est-à-dire en Languedoc-Roussillon. Ok. Alors moi j'ai essayé de rattacher les wagons, j'ai toujours pas vu arriver Corinne Touzet. Ben non, pas encore, elle arrive fin août je crois, elle arrive mi-août ou fin mi- août ou ah, alors, mi-juillet, parce que plus. Là j'ai pas envie de me prendre... Non, il y a d'abord Jean-Luc Reichmann. Oui, alors d'accord, donc je vais pouvoir me vaquer à mes occupations. Tout de suite le 7 actu avec donc toujours ce tableau mythique où on part du bas et on va vers le haut. Ça s'appelle le 7 actu. Et ça n'a rien à voir avec la chanson. 7 actu avec Laurent et Benoît. Alors dépêchez-vous parce que derrière il y a le nouveau Soul Machine. Donc voilà, on traîne pas. Si on a des choses à dire, on le dit rapidement. Et on commence avec un château alloué à l'année. Alors qu'au début, si j'avais bien compris, on nous vendait le feuilleton d'M6 juste pour l'été. Et là, on nous annonce que le château a été loué à l'année. Benoît, des explications. Eh oui, et je vous l'avais dit que c'est un château qui se situe, si vous allez en vacances dans le Languedoc-Roussillon, c'est tout près de chez moi, c'est à Agnan, le château Capion. C'est même, je sais pas si c'est marqué dans l'article d'ailleurs, mais moi je vous le dis. Bah d'ailleurs, c'est pas vous qui louez. Ah non, bah j'aimerais bien, purée, il y aurait du beau monde. Mais voilà, c'est à Agnan, c'est un tout petit village dans le... pas très en dessous. Avec des petits personnages bleus appelés des schtroumpfs. Non. Et donc le château Capion, qui est réputé pour ses soirées viticoles. Oui, il y a plein de soirées. Il y a des food trucks, on peut aller boire du bon vin. Oui, aller s'éclater dans les caves. Et voilà. Et donc il a été loué. Alors je ne sais pas si cette année il y aura des soirées au château Capion. Ça m'étonnerait, hein, du coup. Puisque M6 l'a réservé, elle l'a pris pour un an. Ce que tu veux me faire dire, mon cher Laurent, c'est que cette saga de l'été pourrait virer à saga de l'année. C'est ça ? Mais alors, scène de ménage ? Eh ben, scène de ménage, on arrivera à le caser quelque part, un petit peu avant, un petit peu après. Ouais, plus tôt, je pense. Voilà, plutôt plus tard. Après, on peut le mettre à 20h... Oui, comme ça, les primes de M6 commenceront à 23h. Oui, non, bah écoute... Non, mais franchement, là, on vit une période télévisuelle de dingue, hein. Donc voilà, donc tu nous dis que le château est magnifique, que le coin est magnifique. C'est pour ça qu'il y a plein de stars, plein de feuilletons qui se tournent là-haut. Bah voilà, je sais pas pourquoi ça attire le monde là. On a à un moment donné, c'était Marseille. Alors le feuilleton de TF1 reste un petit peu quand même. C'est pas tout à fait le Languedoc-Roussillon. C'est La Ciotat, tout ça. C'est à côté de Marseille, donc c'est pas la même région, mais c'est la région d'à côté, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais on est dans à 100 km, 150 km à la ronde. Vous avez Demain nous appartient qui est à 7. Vous avez donc Manon M6 et Un nouveau jour qui est donc à Agnan. Vous avez bien sûr Ici tout commence qui est aussi dans le Gard, tout près aussi de Montpellier, mais du côté plus près de la Camargue, on va dire. Qu'est-ce qui me manque encore? Un si grand soleil qui lui est basé entre Montpellier et Palavas-les-Flots. Plus belle la vie, encore plus belle, qui est toujours, mais plus dans les studios, puisque vous savez qu'ils ont tout détruit, mais dans un petit village, je ne me rappelle plus le nom, au nord de Marseille. Alors, je ne voudrais pas donner d'idée à une autre chaîne de faire un feuilleton quotidien, parce que là, c'est vraiment à la queue leuleu. Hein, oui, par contre, là, j'avoue là, que ça devient énorme. Mais aucun producteur, aucune chaîne n'a eu l'idée de faire un feuilleton dans la Meuse. Non. On va s'appeler Destination Géographie. Non, mais ça pourrait. Non, mais c'est vrai. Voilà, pourquoi pas la Meuse, oui. Oui, c'est pourquoi proche pas de Paris. C'est oui, l'Alsace. Mais je pense que c'est compliqué pour tourner. Il y a plus de monde, tout ça. Dans la Meuse ? Dans la Meuse. j'en sais rien. L'Alsace, je veux bien, la Meuse. Non, mais vous parliez de Paris et tout. C'est plus compliqué. La Meuse, studios. C'est assez facile d'accès pour des Parisiens d'aller en Meuse. Oui, voilà, bah c'est oui, ça. Oui, c'est facile d'accès, mais parce par que c'est bitumé quand même. Il n'y a pas de studio, il n'y a rien du tout. Bon, bah, faudrait créer une grande bâtisse. Hein, mais pourquoi pas bâtisse à Hollywood dans la Creuse. On peut en trouver. Ou alors on crée un feuilleton sur la création des feuilletons, parce que là, on arrive à un stade. Oui, par contre là, effectivement, est-ce qu'il y a de la place pour 6 feuilletons quotidiens? À mon avis, à un moment donné, bah, toi, il y tu en fais a comment un, voire deux, qui vont Tu qui fais vont comment, pâtir. Toi tu dors quand même C'est très, très difficile. J'avoue que j'ai un peu de mal, parce que là, on s'est astreint hier soir. C'est hier soir? Non, c'est avant. Avant-hier soir. On s'est astreint à s'enfiler, entre guillemets, un nouveau jour, hein, pour voir, nouveau jour, pour ouais. voir quand même de ce quoi c'était, parler. Oui. Donc, bon, c'est pas mal. Moi, j'aime pas. Voilà, Manon n'aime pas parce que c'est plutôt dans le style. C'est lent. C'est plutôt saga de l'été. Là, on est vraiment. Ouais. C'est oui. un peu le Château des Oliviers, version 2025. Voilà, on est plus dans le Château des Oliviers que dans Dolmen, par exemple. Moi, je mettrais un petit bémol sur Hélène Noguera. Hélène Noguera, je ne sais plus. C'est Elena. Elena. Je trouve qu'elle est un peu en dessous au niveau jeu par rapport aux autres. Mais ça, c'est un avis. Hein. Bah, j'aime beaucoup Hélène Noguera. Moi aussi, mais là, je la trouve un peu. Et est-ce que c'est pas le personnage qui. Peut-être. Elle est un peu ambiguë, on ne sait pas trop. Enfin, bref. Après ouais. avoir vu Tout pour la lumière, franchement, les jeux d'acteurs. Alors, contre, oui, oui, tout est au-dessus oui. de Tout ah pour bah la lumière. On est quand même d'accord. Parce que moi, quand TF1 et Netflix ont voulu faire une série, on s'attendait quand même à autre chose que Tout pour la lumière. Moi, j'adore l'histoire, le fil, tout ça. L'histoire les est jeux sympa. D'acteurs. En fait, tout est bien tant qu'il parle pas, en fait. Mais vraiment, c'est quand il parle que ça va pas. Alors moi, je tiens à le préciser tout de suite, hein, du moment qu'on critique pas Boudère, ça m'arrange. Oui. Mais Tout pour la lumière, j'ai tenté deux fois. Et je cherche Netflix hein, dans Tout pour la lumière, parce que, bon, que ce soit TF1 qui produise ce genre de feuilleton, pourquoi pas. Ça serait venu de la part d'M6, pourquoi pas. Mais là, Netflix, je me demande où est caché l'argent de Netflix. Oui, c'est vrai qu'on est plus près des mystères de l'amour que d'autres choses. On est d'accord. Bah, y a même des moments où je me dis que dans les mystères de l'amour, ça joue mieux. Et les histoires sont un peu plus intéressantes, parce que là, moi, ce que je regarde, par contre, M6, Un nouveau jour, alors j'ai vu qu'une partie du premier épisode, et franchement, je trouve qu'au niveau de la réa, au niveau des jeux d'acteurs, c'est propre, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça marche. Et puis il y a tout ce que tu aimes. Et quelqu'un qui meurt au début. Oui, moi, j'essaye d'avoir une vue d'ensemble et de me dire. Oui, non, mais c'est vrai. M6 revient de loin. Oui. Elle a fait des tentatives, cette chaîne, qui ont été infructueuses, et là, elle arrive à nous sortir ce feuilleton qui est propre, qui tient la route. Quand tu regardes les images, tu as envie de rentrer dedans et de suivre. Tout pour la lumière, j'y arrive pas. Mais je pense que c'est pas le même public aussi. Oui. Pour la lumière, c'est pour les plus jeunes. Oui, mais. Donc tu rejoins ton acolyte. Ce que je ne comprends sais pas si je peux dire que c'est ton père. Disons que c'est ton père, même s'il est jeune. Donc lui, il dit que je suis vieux. Donc je suis pas le client de Tout pour la lumière. Moi, ce que je ne comprends pas. Mais alors, moi, je suis pas client de Nouveau Jour. Soit pas le public. On est tous d'accord. Oui. Enfin, qu'on n'est pas dans le public. Alors, je suis d'accord. Avis, Mais Manon, qui est plutôt dans le public, dit qu'il joue mal. Ah donc, non, mais c'est une vérité, ça. C'est voilà. Un avis. Non, mais c'est une vérité. Donc, qu'on cible les vieux, les jeunes ou les moyens. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on sort pas ça quand on s'appelle TF1 ou Netflix. Ah, c'est très en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Mais TF1, ils peuvent sortir de l'excellent comme du moins bon. Les mystères de l'amour et les nés des garçons, c'est venu de TF1. Rappelle-toi que vous étiez déjà dit là, Netflix, sur le truc de. À Cannes, là, on ne sait plus comment ça s'appelait. Là. Ah, Cannes Police Criminelle. Cannes Police Criminelle, où franchement, tout le monde jouait mal et en plus, c'était mal doublé. Mais là, on sait quelle série va s'arrêter en premier. C'est Tout pour la lumière. Donc, à mon avis. Bah, sur toutes les audiences, hein, c'est mort. C'est difficile. Hein. C'est assez difficile. On est à 800 000 pour Tout pour la lumière. Ici, tout commence, démarre, paf, on monte à 2. Donc là, je vous dis, il y a un problème. Quoi. C'est... Bon, après, l'horaire. Ouais, l'horaire est. Qui regarde. Alors, déjà, 19h, c'est pas toujours évident pour DNA. 18h30, on n'est pas toujours rentré. Alors, 18h, en plein été. Oui, mais après, c'est rediffusé sur TFX. Hein. Par contre, ce qui est malin, Nouveau Jour, c'est à l'horaire de Scène de ménage. Et moi, je me suis fait avoir, parce que j'attendais Scène de ménage. Voilà. Et là, j'ai regardé, forcément. Et voilà. Et ça marche. Donc là, on a perdu beaucoup de temps sur les feuilletons mais de l'été, mais c'était très important. Enfin, les feuilletons de l'été, les feuilletons qui, soi-disant, sont d'été, mais qui ne sont pas d'été. En tout cas, voilà. Si c'est trop, et à mon avis, il y en a au moins un qui passera pas l'été. Tout pour la lumière, on est d'accord. Oui. Hein. Ça risque moi, je pense alors, juste l'été. Voilà, juste l'été. Je pense qu'il va aller sur Netflix, du coup. Ils vont arrêter sur TF1 et le mettre sur Netflix. Ah non, ouais. Je pense qu'il y a plus d'audience sur Netflix. Ouais, mais tu te rends compte quand tu vois quand tu vois ce que Netflix propose et que quand tu regardes Tout pour la lumière, tu te dis mais on a un problème là. Il y a un problème. Alors Netflix a dit je mets 10 euros, vous en mettez 100. Il y a un truc. Hein. Alors donc là on passe rapidement parce que bon on va pas s'éterniser dessus. Juliette Chen quitte Camping Paradis. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Oui, elle rejoint un nouveau jour, donc elle doit être bonne. Donc c'est une bonne nouvelle pour elle. On va résumer. Et c'est ce que même a dit Laurent Grenac. Tant mieux pour elle. Elle part parce qu'elle était sous-exploitée. Voilà. Tout le monde l'a dit, même Laurent Grenac, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Bon, la production ne voulait pas la laisser rester, c'est dommage. On va passer rapidement aussi sur l'info suivante. Après TF1 qui s'associe à Netflix, on a appris cette semaine que depuis le 3 juillet, France.tv, donc France Télévisions, s'est associé à Prime Video. Ouais, on a découvert ça. Oui, on a découvert ça hier soir. Hier soir. Et alors? Et bah non, bah tiens, en allumant Amazon Prime, oh, bah il y a France Télévisions. C'est une bonne idée ou pas? Bah, c'est improbable et inutile, mais bon. Ouais, oui, c'est vrai. Je vois pas quel intérêt parce que. Bah, au lieu d'aller sur l'appli France Télévisions, vous êtes sur Prime Vidéo, vous avez tout. Non, mais ce qui est bien à un moment donné, c'est qu'on aurait qu'un bouton sur la télécommande avec tout dedans et puis on n'en parle plus. Quoi. Bah, voilà. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ouais, voilà. Ça c'est pas mal. Mais à mon avis, on douillerait. Hein. Alors, on a parlé de Nouveau Jour, on a parlé de Un Si Grand Soleil. Et là, un article est tombé cette semaine. Choc frontal. Parce que là, Benoît, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais en lançant Nouveau Jour, M6 s'est mis en choc frontal avec France 3 et Un Si Grand Soleil. Apparemment, d'après ce qui se dit dans l'article, les audiences d'Un Si Grand Soleil résistent. Est-ce que tu es d'accord? Oui, ça résiste. Il faut voir sur la durée. Hein. Bon, il y a une fanbase, on va dire, d'Un Si Grand Soleil. Et là, on est, si je regarde les chiffres, on était à 1,47, 1,53 pour Nouveau Jour. À plus de 2 pour Un Si Grand Soleil. Voilà, pour Un Si Grand Soleil. Donc... Bon, c'est pas non plus le grand soir pour Nouveau Jour. Hein. Le grand soir. C'est-à-dire, 1,7, c'est quand même pas non plus... En sachant que Scène de Ménage faisait mieux. Oui, c'est ça que j'allais dire. En Famille faisait mieux. Voilà, merci de le dire, j'étais plus sûr de ça. Oui, mais souviens-toi, Benoît, quand TF1 tente, et c'était pas gagné à l'époque, hein, quand TF1 décide de lancer Demain nous appartient, les premières semaines, les premiers mois, c'est compliqué pour TF1. Hein. Ils ont eu le courage de maintenir le feuilleton à l'antenne, mais les audiences au début sont pas top. Donc là, il faut laisser le temps aux gens s'habituer à ce nouveau feuilleton. Exact. On verra si l'avenir nous dira plus. Est-ce que M6 aussi fait des... Il n'y a pas de rediffusion quelque part. Hein. C'est pas sur W9. Alors, je ne crois pas. Hein, je ne l'ai pas vu. De quoi? De Nouveau Jour. Oh, M6 Plus, sûrement. Oui, c'est annoncé sur M6 Plus, mais pas sur une autre chaîne, parce que TF1, ils sont malins. Sur W9, ils pourraient Oui, bah oui, ils pourraient. TF1, ils sont malins. Oui. Plus belle la vie, c'est sur TFX. Il y en a un deuxième. Il y a un autre truc qui est rediffusé. TF1 rediffuse. Donc, ils utilisent leur autre chaîne. Donc, pour soutenir le feuilleton, M6 pourrait faire pareil. C'est Secret Story qui est rediffusé aussi. Mais c'est pas une série. C'est Tout pour la lumière. Ah oui, aussi. Oui, c'est vrai. Ils rediffusent Plus belle la vie et Tout pour la lumière sur TFX. Ça marche. Donc voilà, ça c'est dit. L'avant-dernière info concerne Squid Game. Là, je voulais l'avis de Benoît, parce que dans Ça ira mieux demain, on en a parlé, mais là, je ne sais pas si tu allais aborder le sujet. Ouais, enfin, c'est une info qui n'est pas vérifiée. Hein. On lance des idées. Ouais, mais là, moi, on me parle dans un article d'une possibilité de spin-off. On me parle d'une version américaine. Oui, voilà, mais rien. Vous qui êtes. Alors, moi, j'ai commencé à la saison 2. J'en suis au début, sans raconter le fil de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est. Là où vous en êtes dans Squid Game, est-ce que... Parce que le créateur a dit ouvertement que s'il devait faire à un moment donné un spin-off, ça serait pour raconter ce qui s'est passé, parce qu'il y a un laps de temps qui a été mis de côté, entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Est-ce que pour vous, ça vous paraît utile? Non. En sachant que normalement, ça devait durer une saison. Je trouve qu'on y va trop. Genre, fallait s'arrêter à la saison 1, c'était très bien, c'était original, Là, il pousse le bouchon. La 2 était déjà difficile, la 3, j'ai souffert. On n'a pas encore regardé, mais j'ai vu les avis. C'est avec une fin qui apparemment déçoit. Alors, je ne sais pas si c'était... Je vous laisse le découvrir, mais disons que... Oui, à la fin de la saison 3, on découvre quand même une personne, une actrice très connue, qui annonce le spin-off, donc... On ne sait pas. Il y a l'annonce quand même. En fait, on voit une actrice ultra connue américaine, on peut citer son nom. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est Cate Blanchett. Non, oui, exact. C'est ça. Cate Blanchett, qui est en fait une des recruteuses, je pense que ça se dit, justement, pour le Squid Game. Et on voit qu'elle recrute quelqu'un dans la rue à la fin de la saison 3. Alors, à quoi ça sert de la mettre là-dedans alors qu'elle apparaît moins de 30 secondes? Ah oui, donc ça annoncerait la... Ça annonce, il y a quelque chose. L'américaine, la version américaine. La version américaine, au moins. Au moins. Mais moi, je trouve qu'ils vont trop loin, ça va se tasser. C'était bien une saison, pas besoin d'aller plus loin. Ça dépend ce qu'ils en font. Si c'est un remake, ça peut marcher. Ouais. Bah, du côté des États-Unis, on nous parle de remake. Mais oui, regarde, ils ont refait l'agence qui était le bureau des légendes. Mmh. Ils ont refait d'autres choses. Qui mais les Américains... HPI aussi. Donc... Les Américains... Alors, je ne suis pas sûr que les Américains n'avaient pas vu HPI, l'original. Alors que les Américains ont vu Squid Game. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, c'est quand même très coréen dans l'esprit. C'est très joué coréen. Oui, tu vois, dans une version américaine, avec des jeux américains, peut-être. Oui, voilà, américaniser la chose. Ouais, il y a quelque chose qui serait plus tout à fait pareil, quoi. Ça se voit amener de l'originalité dans le truc, quoi. C'est ça. Oui, et ça se voit que c'est coréen, c'est surtout dans le générique de fin. Où là, il faudrait la grille de code, avec les croix, les ronds, c'est les machins. C'est que des QR codes, oui. Pour savoir qui réellement joue dans la série, c'est un peu compliqué à la fin. Ouais, donc pour en résumer, effectivement, oui. deux possibilités de suite. Soit un spin-off pour raconter entre la saison 1 ou la saison 2, et puis comme vient de le dire Sylvain, la potentielle suite avec une version américaine. Voilà, c'est les deux pistes. Mais pour l'instant... on ne l'attend pas, au pire, ce sera une surprise. Voilà. Oui, rien n'est signé, rien n'est fait. L'article ne dit qu'effectivement, ni les producteurs, tout ça, c'est dans l'air du temps, mais c'est rien. Alors c'est bizarre, hein, parce que l'article n'est pas vieux. Hein. Et bah, c'est pour ça qu'il est dans cette actu. Hein. Non, mais je veux dire, non, mais alors qu'on... Parce que je suis un peu sénile, mais pas au point de mettre un article qui est vieux de 10 ans. Je veux dire que par rapport à l'article n'est pas vieux, et pourtant, ça a été... Les images qu'on voit à la fin de Cate Blanchett, ça a été tourné il y a bien longtemps. Donc, voilà. À suivre. Oui. Pas compris, mais bon. Bah si, parce que là, dans l'article, il dit qu'il n'y a rien n'est fait. Oui. Et donc, c'est une éventualité, alors que si effectivement, ça se termine avec la vision de Cate Blanchett qui est recruteuse, c'est que... C'est un peu fait, c'est pour dérouter les gens. Ou alors pour dérouter. Et pour simplement dire que rien n'est arrêté. Oui, pour faire monter la sauce. Le jeu continue, c'est tout. C'est que... Et ça n'aura rien à voir avec... Tu mets Cate Blanchett pour faire ça, ça fait beaucoup quand même. Bah, excuse-moi, avoir... Elle a été payée 2 millions pour dire « Allez, venez !» Moi pas, mais bon, j'y crois pas beaucoup. Non, il y a un projet derrière, il y a quelque chose. Affaire à suivre. Le stagiaire est sur le coup. On termine brièvement avec Buffy, l'annonce qu'elle a faite. Alors, il y a pas mal d'infos qui tombent chaque semaine. Et là, Sarah-Michelle Gellar s'est exprimée et a dit ouvertement qu'elle voulait faire revenir tous les personnages, même les personnages morts. Donc, ça, c'est l'info pour tous les fans de Buffy contre les vampires. Là aussi, hein, c'est risqué de faire revenir cette série culte. Ça va pas être simple pour cette série de renaître de ses cendres. Dernièrement, on a eu Suit qui a tenté de revenir et s'est pris un mur. Là, on verra la suite dans quelques temps. Et là, ils veulent la moderniser quand même parce qu'elle est portable, les réseaux sociaux. Ils veulent vraiment la remettre dans l'actualité. Dans l'actualité, ouais. Et ça peut être différent pour ça déjà. J'espère pour eux. Je suis curieux. J'espère pour eux qu'ils trouveront la bonne recette. On poursuit cette destination série. On vous en a parlé la semaine dernière. Et là, c'est un plaisir. Mais alors, vous pouvez pas vous imaginer de vous le proposer là maintenant. Alors, autant vous le dire tout de suite, normalement, c'est un morceau qui est indiffusable, puisqu'il dure un certain temps. Mais avant de vous le proposer, le nouveau Rétrovision de Soul Machine, je voudrais vous mettre un extrait de la version originale. La version originale a été composée en 1977-78 par Eric Charden pour la série Albator. Alors maintenant, on l'appelle Albator 78, mais à l'époque, quand elle est sortie, ça s'appelait simplement Albator, le corsaire de l'espace. Je vous propose quelques minutes donc de ce que Eric Charden a proposé, et après, je vous mets le nouveau Rétrovision. En 1977, quand la série arrive dans les cartons d'Antenne 2 pour être diffusée, on trouve que c'est vraiment trop japonais. Donc, à l'époque, quand une série est trop japonaise, on fait appel à des producteurs, des compositeurs, des paroliers français pour franciser les séries étrangères. Et donc, cette musique fait partie d'une bande-son que Eric Chardin a écrite, il y en a plusieurs, pour la série en 1978. Et donc, Soul Machine a choisi ce thème-là pour faire son nouveau Rétrovision, et ça donne ceci. Thank you. C'est pour tous à ce moment-là le grand capitaine Albator, le vainqueur de l'armada royale des Sylphides. Pourtant, quelque part, tout au fond de mon cœur, et sans que je puisse me l'expliquer, je ressentais un grand vide qui me plaçait là. Et là, le bruit à la fin, c'est l'ordinateur. Ouais. Donc, voilà, c'est officiel. C'est Benoît n'aime pas. Mais, ah, j'ai pas dit ça. Voilà, qui a dit que je l'aimais pas? Je suis fan de tout ce que fait Sol Machine. Mais voilà, donc, c'est pas grave. Ça restera quand même dans Destination Série. Tout de suite, on découvre le rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0 avec les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Donc je donne rapidement le casting et à vous de me remettre tout dans l'ordre. On peut plus voir à travers. C'est fait exprès. Dommage. Quand je vois les filous que j'ai autour de moi, c'est fait exprès. Alors donc, dit-il. En restant correct. Non mais non, c'est pas celui-là parce que là j'aurais un problème. Donc voici les numéros. Il n'y avait pas beaucoup de séries cette semaine. Hein. Non. Bah, il y avait des séries, hein. Mais moins que d'habitude. Mais demain nous appartient. Ah oui, non, mais les séries, on en a plein. Ah non, mais il y en a plus de 15, donc. Sur TF1, c'était que des films, hormis l'année. Je suis vieux, mais je suis pas encore sénile, hein. Bien. Donc voilà. Donc dans le casting, nous avons à l'instinct, nous avons le secret, non pas de la crotte, mais de la grotte. Vanina Meurtre en Sicile, Camping Paradis, Enquête au Paradis, à ne pas confondre, hein, wow. Qui est cinquième. On peut tirer au sort. Oui, voilà, je sais pas. Elle est impossible. Instinct en cinquième. C'est bon. Au pif. Hein. Au pif. Manon. J'en sais rien, moi je joue pas. Manon joue pas. Sylvain. Ah, vas-y, choisis-en, hein, parce que franchement, je sais pas. J'en ai en cinquième aucun. Position, nous avons Enquête au Paradis, 2 346 000 téléspectateurs, 13,5% de part de marché, deuxième meilleure audience pour France 2. Donc tous les autres ont fait mieux que Enquête au Paradis. Ah, yes. Oui, wow. Qui est quatrième? Alors là. Instinct. J'arriverais bien à le mettre. Hein, en quatrième, c'est Vanina Meurtre en Sicile, 2 709 000. Qui est troisième? Instinct. En troisième, c'est Le Secret de la Grotte, 2 893 000. Les premiers. Parce que qui est deuxième? Instinct. Non, ça va être. Non, alors, allez, c'est Camping Paradis. Et là, c'est Instinct. En deuxième? Oui. Instinct. Instinct est deuxième, à l'instinct est deuxième, à 3 353 000. C'est Camping Paradis qui est premier. Et le carton de la semaine, la pole position, est remportée par Camping Paradis, 3 933 000 téléspectateurs, presque 23% de part de marché. Hein. Ça arrive pas souvent, Camping Paradis en tête quand même. Ouais, c'est rare. Hein. Mais, enfin, c'est rare que Camping Paradis passe l'été, parce que ça fait longtemps que Camping Paradis ne passait plus l'été. C'est ça. Et là, alors, c'était un peu nul, mais oui, bon. Mais là, voilà. Chaud, voilà. Voilà. Donc, Camping Paradis en été. Sacrée semaine au niveau des... Ouais, il y avait du suspense. Il y avait du suspense. Il y avait du suspense. Et dans un autre genre, quelqu'un a regardé Interville? Non, qui a regardé Interville? Moi, j'ai oublié, non, mais j'aurais bien voulu... Ouais. Alors, je deviens vieux, je suis peut-être sénile, mais c'est marqué Destination Série. Oui, mais on est télé, on est parlé c'est de pas marqué télé. Destination Nagui, ou je sais pas quoi. Non, mais bon, donc, qui a regardé? Non, parce que Benoît demande... Ah, non, ça y est, personne n'a regardé, passons à autre chose. Ah, personne n'a regardé. Alors, peut-être, il n'y avait pas de vachette, et en plus, il n'y avait pas le vrai générique. Bah donc, oui, je voulais savoir ce que ça avait donné, parce que j'ai zappé. Donc, voilà. Ils n'ont pas fait de grosse pub pour que je le Non, il n'y a pas eu de grosse pub. ils sont passés dans toutes les émissions de France Télévisions. Bien avant, mais ils ont fait de l'autopromo chez eux-mêmes et ils n'ont pas été chez les voisins. C'est ça. Bon, mais de toute façon, d'ailleurs, les voisins n'avaient pas l'intérêt à faire de la pub pour eux. Non. T'imagines, chez Quotidien, regardez France 2, Interville, les vaches sont là, non, il n'y a pas les vachettes. Non, bah, nous, regardez pour les vachettes. Bah, si, sur Amazon, il y aurait de la pub. Sur Amazon, il y aurait de la pub pour les vachettes. Voilà. Enfin, vachettes, parce que voilà, il ne faut pas maltraiter les animaux. Ouais. Je suis d'accord, il ne faut pas maltraiter les animaux, mais c'était quand même rigolo de voir les humains qui. Et c'était quand même plutôt les humains qui se faisaient maltraiter par les vachettes que le contraire. Qui risquaient de se faire, mal, oui. Mais bon, voilà, on retire tout, on aseptise tout. C'est pas moi qui ai lancé le sujet, ça m'inquiète pas, il est 42. Là maintenant, nous allons retrouver une artiste que que j'adore. Une artiste. Oui, une artiste. Une artiste. Non, parce il a compris quoi. Non, parce que c'est moi le sénile et lui, il a compris quoi. Mais non, parce que... Sylvain était dans les starting blocks. Oh, je pensais que moi je connais le conducteur, ça va. Que tu allais le lancer. Pas moi, je sais. Non, je lance pas Sylvain, c'est lui qui me lance, c'est lui le stagiaire. Donc okay, là tout de suite, nous allons retrouver une personne qui s'est fait discrète pendant quelques mois. Elle est de retour avec un titre que j'adore, que Benoît va détester. Ce n'est pas grave. J'adore le mur des hits. Ah mais de toute façon, il n'y avait aucun intérêt d'avoir une chanson du mur des hits. Il y en a un qui m'aurait brisé les roubignoles. Donc là, je me suis dit, le mur des hits, on le met de côté. Il y a Soul Machine, il y a un autre titre qui arrive, le voici. Ça s'appelle Diva et on retrouve Lazara. Sans scrupule et sans façon, un whisky sans les glaçons. L'amour comme les garçons, et on me dira que je suis une diva. Ah bon, j'ai le cœur en carton, je suis qu'une contrefaçon. J'ai beaucoup trop le melon pour plaire aux cons. Je me maquille au volant, je cherche le plus charmant, et des fois je pète les plombs. Je suis à Station Gambetta. J'attends. minutes, vous êtes bien sur Fadjet, vous écoutez Destination Série, et attention, préparez-vous à plonger dans les coulisses de deux univers où les complots se trament dans l'ombre et où chaque minute compte double. Aujourd'hui, Sylvain vous ouvre les portes de dossiers ultra secrets et de courses contre la montre haletantes avec des anecdotes croustillantes et des secrets bien gardés. Promis, il n'y aura ni extraterrestres, donc pas de Haïti, ni agents. Alors, pas de 24 heures chrono, hein, de Kurt Russell, ni agent en costume son, ou peut-être juste un peu. Ah, quand même. Accrochez-vous, car après cette chronique, vous ne regarderez plus jamais vos séries préférées de la même façon, et peut-être même que vous commencerez à soupçonner votre voisin de cacher un secret d'État. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Ah, elle n'a pas vu venir celle-là. J'ai fait une petite intro un peu mystérieuse exprès. Bon, bien sûr, on va parler de la série X-Files. X-Files, c'est 11 saisons, 219 épisodes, puis de 1993 jusqu'à 2018. Au moins un sujet que Benoît va aimer. Ah, bon, pourquoi pas. Donc, la série X-Files, bien sûr, vous la connaissez tous. C'est l'enquête des agents du FBI, Fox Mulder, qui croit aux phénomènes paranormaux, et Dana Scully, qui est sceptique et scientifique, sur des dossiers justement non résolus qui impliquent des événements surnaturel, des conspirations gouvernementales et la quête de Mulder aussi pour retrouver sa sœur disparue. Alors, dans les anecdotes un peu surprenantes, les 5 premières saisons d'X-Files ont été entièrement tournées à Vancouver, au Canada. Et ce choix donnait à la série une atmosphère brumeuse, mystérieuse. Mais à partir de la saison 6, tout a changé. L'équipe a déménagé à Los Angeles et la raison en est toute simple. David Duchovny, alias Fox Mulder, souhaitait se rapprocher de sa famille et des studios hollywoodiens. Et ce changement de décor a vraiment modifié, je trouve, l'ambiance visuelle de la série. Et on passe des forêts humides canadiennes au paysage ensoleillé de Californie. Lors du tournage d'un épisode bien précis, celui de Anasazi, celui-là est dur à dire, censé se dérouler dans le désert du sud-ouest des États-Unis, la production en fait a eu la bonne idée de peindre une carrière entièrement avec 8000 litres de peinture rouge pour recréer l'ambiance désertique à Vancouver. À l'époque, on savait mettre des moyens hein, quand même. Et la pollution Ah bah ça, je sais pas comment ils ont nettoyé après. Je sais pas si c'était bio ou dégradable en tout cas. Il faudrait poser la question. Il y a eu beaucoup de choses dans la série. Je sais pas si je vais tout lire parce qu'on est un peu en retard. Mais entre autres, on a eu des apparitions, pareil, on va dire pas des guests, mais des caméos. La femme, par exemple, de Mitch Pileggi qui joue Skinner, joue l'assistante dans la série. Et le bébé qui incarne William, le fils de Fox, Mulder et de Dana Scully, eh bien, c'est le fils du producteur, John Shiban, et il apparaît dans la saison 8. C'est des petits comme ça, des caméos qu'on ne savait pas forcément à l'époque, et toujours amusant après coup. Chris Carter aussi a fait un truc rigolo. Il a volontairement inversé les stéréotypes de genre. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mulder est le croyant et Scully est la sceptique. Ça, c'est ce qu'on connaît tous. Mais dans la vraie vie, c'est le contraire, en fait. C'est ça qui est drôle. En fait, David Duchovny est plutôt sceptique. Et c'est Gillian Anderson qui est ouverte aux phénomènes paranormaux. Et je trouve que c'est malin d'inverser les rôles pour le jeu d'acteur. Mais bon, ça se sent pas à l'écran, mais c'était une idée rigolote de le savoir aussi après coup. Bien sûr, on sait tous que le personnage de Dana Scully a été quand même largement inspiré de Clarice Starling du film Le silence des agneaux. Jusque dans la couleur de cheveux. Et d'ailleurs, Gillian Anderson, à ce propos, il y a une anecdote qui m'a fait sourire. Il y a une grande différence de taille avec David Duchovny, et cette dernière, justement, jouait souvent debout sur une boîte. Elle avait même un nom, cette boîte, qui s'appelait la Gilly Board, et c'était pour jouer les scènes en face à face, sinon la caméra ne pouvait pas cadrer. J'ai trouvé ça rigolo parce que je ne savais pas, mais quand on le lit, c'est plutôt amusant. Enfin, dans un monde voilà, où la vérité se cache derrière le mensonge, X-Files nous rappelle que parfois, la seule certitude, c'est de ne faire confiance à personne. Oh, C'est cadeau. Là, c'est... C'est bien. Ça reste énorme pour moi. Bon, Laurent a découvert ce que c'était, peut-être nos auditeurs, mais là, on va parler de 24 heures chrono pour ceux qui cherchaient encore. 24 heures chrono, c'est 8 saisons, 204 épisodes de 2001 à 2010. Et on a même eu une mini-saison de 12 épisodes entre mai et juillet 2014 sur le réseau Fox aux États-Unis. Alors, ça a été diffusé en France après, mais voilà, il y a eu quand même un petit reliquat bonus à la fin. Alors, parmi les grosses anecdotes concernant cette série, bon, je pense que Laurent pourra en parler 1h35 sans Benoît problème. Aussi, hein, parce Benoît qu'on aussi. A été passionnés tous les deux. Ah, on se retrouvait voilà, une fois par semaine à la grande époque pour regarder les épisodes ensemble. On était dingues cette série. On est tous d'accord. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent moins, par exemple, dans la saison 1, ils avaient tourné trois fins différentes pour préserver le secret. Donc, il y en avait une où on tuait Terry Bower. Dans le deuxième, on l'a blessé seulement. La troisième, c'est Nina Meyer qui l'a tué. Voilà. Et ils savaient aussi jouer le secret à l'époque parce qu'ils ne voulaient pas qu'on tue le mystère de la série. Il y a également une signature qui est très, très forte dans la série, c'est le split screen. C'est-à-dire que l'écran est partagé pour montrer plusieurs actions en simultané, mais ce n'était pas prévu au départ, en fait. Ça, c'est quelque chose qui a été accidentel, mais qu'ils ont gardé pour l'ADN de la série. Et c'est imaginé, en fait, surtout pour la profusion de coups de fil, donner du rythme. Et en fait, c'est vraiment voilà, devenu la marque de fabrique de la série. Et il y a également l'horloge qui est emblématique. Ah, ça, l'horloge, on est obligé d'en parler. Ouais. Et ça permet de renforcer l'attention, de rappeler le temps qui file. C'est une horloge qui s'affiche à l'écran, qu'on voit un décompte. Bien sûr, ça se passe sur 24 heures. Mais lors de moments tragiques, par exemple pendant la mort de Terry ou dans l'explosion nucléaire, le tic-tac se tait subitement. Et on ne fait pas forcément attention, on l'entend souvent, mais à des moments clés. On voit l'horloge qui défile, voilà. Mais c'est le silence. Exactement, oui. Et ça permet d'accentuer en fait le choc émotionnel du moment. Oui, oui. C'est assez malin parce que la série est vraiment hyper léchée de ce côté-là. Ils avaient vraiment fait un truc super. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans Destination Série, si vous ne connaissez pas 24 heures chrono... Même rattrapage, c'est génial. Même maintenant, c'est toujours aussi énorme. Ça n'a jamais été égalé. Jamais. Il y a un niveau très fort. Après 8 saisons, est-ce que ça méritait ? Ça, c'est un autre problème, mais bon. Enfin, moi, j'en reste calé. Enfin, tous les deux, on reste calé sur le fait que ça serait bien à un moment donné quand même qu'on nous fasse un téléfilm, une télésuite pour nous sortir Bower de Moscou. De Moscou, parce que ça fait quand même une paire d'années qu'il y est. Là, ouais. Je pense qu'il a bien morflé. Il pourrait sortir. Alors, dans les dernières anecdotes, on va aller très vite sur la fin. Ils avaient décidé de limiter aussi les coûts de production et ils avaient réutilisé des éléments d'autres films. Par exemple, les vues de satellite du pilote viennent du film Ennemi d'État. Ils n'ont même pas cherché à comprendre, à les refaire. Ils les ont pris simplement et recopiés. L'avion présidentiel qu'on voit dans la saison 2, ça a été tourné dans les décors de Air Force One. Donc en fait, à l'époque, voilà, ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont même pas cherché à créer. Ils mettaient tout ce qu'ils avaient dans la série. Bien sûr, bon, c'est un casting qui marchait bien avec Kiefer Sutherland. Il y a également Sarah Clark qui jouait Nina Myers, qui a été engagée le matin même du premier jour du tournage. Et faute de temps, elle a porté ses propres vêtements pendant toute la première saison. C'est quand même moi, je garde des souvenirs, mais Dennis Esbert, le président des États-Unis, mais ce mec-là, il avait un charisme dans cette série. Après, on l'a vu dans une autre, j'ai un trou de mémoire, il était GI dans une autre série, là, qui a bien marché aussi. Ouais. Mais ce mec-là, en président des États-Unis, ça avait de la gueule. Ah oui. C'était bien avant qu'on ait un président noir aux États-Unis. Exactement. Bien avant Barack Obama. Oui. Bien avant Barack Obama. Et on s'était fait la réflexion d'ailleurs à l'époque. Et on s'était dit, il pourrait incarner un président américain. Et quand, la suite nous a donné raison. Nous a donné raison. Et deux derniers petits points, on va finir là-dessus. Dans la saison 4, il y a un numéro de téléphone qui est affiché à l'écran, qui était un vrai numéro de téléphone. Et ce numéro, les fans pouvaient l'appeler et tomber sur un message des acteurs et du directeur artistique. Et il y a eu plus de 80 000 appels qui ont été enregistrés. Et le fanphone est devenu une légende, en fait, pour cette série. C'était quelque chose qui n'avait pas été fait jusque-là, mais c'est un vrai numéro qu'on pouvait appeler à l'époque. Et enfin, pour terminer... Il faut savoir que la série a failli être annulée après le 11 septembre parce que le lancement de la première saison a été repoussé d'une semaine à cause des attentats et certaines scènes jugées trop sensibles ont même été coupées au montage. justement, pour préserver l'actualité du 11 septembre. Enfin, bref. Mais voilà. Après, je m'excuse de te couper, mais après, il y a eu une directive de la Maison-Blanche qui, au contraire, a demandé aux scénaristes hollywoodiens d'y aller à fond les ballons pour vraiment avoir devant leurs yeux toutes les possibilités au niveau des attentats. Et là, on a eu, au niveau de 24 heures chrono, des pistes énormes. Oui, au contraire, au lieu de l'affaiblir, ça l'a encouragé, évidemment. Voilà. Et enfin, pour conclure, 24 heures chrono, oui, c'est autant d'adrénaline à l'écran que de péripéties en coulisses à travers toutes ces anecdotes. Et on va s'arrêter là car on n'a plus beaucoup de temps. Puis j'ai envie d'entendre le Manon Série Quiz. Destination Série, le Manon Série Quiz. Je vois qu'on m'a pas écouté, hein. On n'a pas écouté mon petit coup de gueule. 56, je vais être encore coupée, c'est pas grave. J'essayais de faire au plus vite, hein. Excuse-moi, j'ai coupé ma rubrique exprès pour toi. Non mais faut aller sur samedi. Il me regarde avec des yeux. Mais non mais faut aller sur samedi.fr et l'affaire est réglée. Ou alors tu vas sur le podcast de Ça ira mieux demain. Moi je tiens quand même à m'excuser pour. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de Manon Série Quiz. Mais je me dis que c'est pour la bonne cause puisque vous m'avez en vrai aujourd'hui. Est-ce que c'est pas mieux? C'est génial, c'est beaucoup mieux. Voilà, merci. D'ailleurs, si on pouvait faire le Manon Série Quiz jusqu'à 20h, ça serait bien. Ah, on va pas abuser. Hein. Bon, tout le monde a les règles, on va directement commencer et on commence par un petit générique. C'est hyper facile, donc vraiment si vous l'avez pas, je suis pas contente. Nouveau jour. Merci. Il est temps de repartir à zéro, de ne faire qu'un avec soi, de ne plus vivre pour de faux. Si je me croisais, enfant ou ado, je me prendrais dans les bras, je dirais sois ton propre héros. Oui, il y a délit d'initié, je disais, parce que c'est Benoît qui nous avait présenté la musique. Et en plus, vous auriez 15 jours. Vous l'avez passé il y a 15 jours, donc oui, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas entendu. Peut-être plus écouté que nous, quand même. Ah oui, oui, oui, oui, parce que moi, en ce moment, j'écoute pas de nouveaux jours. Surtout si vous n'avez pas regardé la série, oui, là, vous l'avez entendu. Si, j'ai regardé, mais il y avait le générique qui était passé depuis un certain temps. Ah, donc t'as pas eu le générique. Donc j'ai pas vu le générique. Parce qu'on l'entend bien, la chanson. C'est... Ouais, ils l'ont écourté, mais ça marche. Ouais. Ah oui, oui. Franchement, ils ont fait un gros effort, aussi bien là, surtout pour la lumière, que pour Nouveau Jour. On a deux beaux génériques. Les Français sont plutôt forts sur les génériques en ce moment. Fort sur le générique et fort sur les quiches. Donc c'était bien la série Nouveau Jour d'M6. Ah, tu laisses la musique au fond? Bon, je peux couper, c'est ta chronique, bah, je coupe. Non, comme tu veux. Tu peux laisser. Je m'en fous. Pas de gros mots. Donc, la deuxième question, c'est une critique de quelqu'un et ça m'a fait sourire quand je l'ai lu parce que je me suis dit que ça aurait très bien pu être une critique que Laurent aurait écrit. Vous allez reconnaître pourquoi à la fin. Mais donc, quelle est la série? Non, 24 heures chrono. 24 heures chrono, qu'est-ce qu'il y aurait? MacGyver, Code 2000, l'agence touriste. Vous m'écoutez pas, qu'il aurait pu écrire. Mais on le connaît bien, qui t'en bat pique. C'est pas forcément une série qu'il regarde, c'est juste qu'il aurait pu écrire. Ah, oui, mais je comprends pas, là, enfin, on va voir. Vous allez voir, écoutez. Alors, cette saison 3 enchaîne directement après les événements de la saison 2 et l'on suit alors trois destins en parallèle, en plus des épreuves à élimination directe. Bien rythmé, enjeux divers et variés, apparition c'est de nouveaux game, personnages, c'est game, ouais. Cette suite se laisse visionner sans déplaisir à vitesse grand V. En plus, les scénaristes se sont même autorisés une porte de sortie au cas où ils voudraient prolonger le plaisir. Alors ne boudons pas le nôtre. On a reconnu Laurent à la fin. Là. Ne boudez pas votre plaisir. Bravo. Ça peut être totalement du Laurent, merci. Excellent, bien. Excellent. Ah, je voyais pas le rapport avec ce game, mais la fin, la chute, oh magistrat. Et au début, je voulais pas mettre celle-là parce que j'ai plus entendu de mal sur la dernière saison de Squid Game que de bien. Celle-là, on parle du bien, mais je me suis dit purée. Le petit clin d'œil, c'est pour Laurent. Ah oui. Donc, c'était bien Squid Game. C'est quand même fou ce qu'on peut. Ouais, avec Boudère, ça donne le fil conducteur de la. On va essayer de le placer d'ailleurs dans toutes les critiques. De la deuxième partie de la saison. Ce sera notre fil rouge. C'est quand depuis janvier-février, là, on a boudé, ou on a fait un truc sur Boudère. C'est quoi, on a fait un oui, d'ailleurs, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revu, hein, notre Boudère. C'était au printemps, ouais. Oui. Bon, voilà, donc c'était bien Squid Game. Et donc pour finir, comme à chaque fois que je suis là, on va faire une petite charade. Il faut vous concentrer. Ça, c'est dur. Que vous êtes j'aime prêts. Bien les charades de Mais Manon. Qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur? Là, ça devrait aller. Ah, ça devrait aller. Ouais. Squid okay. Game. Ah, dommage, non. Alors, mon premier est une grande étendue d'eau salée. Mon second est ce qu'on dit quand on a faim, on a un petit. Creux. Mercredi! Mais je n'ai même pas fini. Le troisième, allez. Mon dernier, la moitié de 20. 10. Mercredi. Montou est une série Netflix. Alors j'ai essayé mercredi. J'ai essayé mercredi, hein, c'est spécial quand même. C'est décalé. C'est spécial. T'aimes pas la saison 1, t'as regardé, t'as pas non. Ah non, mais j'ai regardé le premier, donc voilà, je tente. Bah, ils sont tous comme pareils, les autres. Voilà, ça mais c'est la famille Adams, mais c'est un niveau supérieur par rapport à ce que j'avais connu. C'est pas humoristique, pas dans le sens grotesque. Voilà, moi, je trouve qu'ils ont enjolivé l'histoire. Il y a quand même bien la base. La base, mais la base, quand même. C'est pas ridicule, c'est pas. Voilà, non, c'est pas tourné en ridicule. Non, c'est pas ridicule. Non, non, ça respecte. C'est très noir. Ça respecte, mais c'est très noir, quoi. C'est-à-dire que tu es le père de ces. Cette fille, tu te dis bon, j'ai une fille qui est jolie, mais alors elle a des voilà quoi. Mais Jenna Ortega, elle est incroyable. Elle explose tout dans le scène. Ah, ouais. Ah bah de toute façon, oui, l'actrice elle est géniale. Mais t'as remarqué qu'elle ne clignait jamais des yeux pendant tous les épisodes. Elle ne cligne jamais des yeux. C'est le truc où là je me dis il y a un trucage, c'est pas possible. Non non non. À partir du moment où on l'a dit, j'ai regardé et c'est vrai. En fait c'est un truc qu'elle a mis elle-même dans le truc, dans la série. Et que ça a été gardé. Elle a voulu faire ça spontanément. Mais elle est glaçante, quoi. Moi, l'épisode que j'ai vu, les mecs, voilà, se foutent de sa tronche, machin. Ça se termine. Elle arrive avec des sacs. Elle balance les piranhas dans la piscine. C'est improbable, mais tellement génial. Et puis alors, les lumières, l'ambiance. Oui, oui, non mais et la chambre, tout est magnifique. Moi, ce que j'adore, c'est la main. La main. Moi, la main. On retrouve la chose. On a l'impression qu'on a la chose, non? La chose. La chose, oui. Oui, mais c'est une main. Oui, c'est pour être plus clair pour ceux qui connaissent pas, il y a une main qui se trimballe. On a l'impression qu'on a vraiment repris la main de la famille Adams. Ah, c'est oui oui, non, mais qu'on mais a remise dans la. On retrouve l'ambiance, la réal, les décors sont voilà, mais l'histoire faut s'accrocher. Puis ils sortent de la maison, c'est bien parce que là ils vont dans l'école, c'est différent. Ils ont sorti les gens de leur contexte. C'est ça, c'est ça. Mais l'actrice, elle est. Ah ben elle est hors norme. Voilà. D'ailleurs, je voudrais lancer un message au producteur de Tout pour la lumière. Si vous voulez retirer une quiche et avoir une actrice, vous pouvez choisir l'actrice de mercredi. Ça peut être une piste. Voilà, c'était le mot de la fin. D'ailleurs, très, très bonne liaison, parce qu'effectivement, c'est la grosse nouveauté de cet été, en plein milieu du mois d'août. La saison 2 commence de mercredi. Voilà. Encore plus fort. Si vous avez la possibilité, allez regarder sur YouTube les 6 premières minutes de la deuxième saison qui sont... Ça s'annonce fort. Formidable. Et on sait si c'est quel jour de la semaine ça sera diffusé. En plus, ça sera le mercredi. Je ne voulais pas la faire. Non, mais oui, c'est le jour que tu veux. Non, mais tu sais, moi, je suis arrivé à un stade de sénilité où je peux tout me permettre. J'ai l'excuse de l'âge. Donc, voilà. Je termine l'émission sur cette phrase. Non, mais Benoît, je voudrais te remercier. Mais j'ai jamais dit ça en plus. Non, mais franchement. Je suis neutre. Quand j'ai fait le pré-générique, ça m'a fait ma semaine. Parce que le pré-générique, je sélectionne. Après, je fais le montage, j'enchaîne les trucs. Tu comprends ce que tu veux, mais c'était pas fais le but. Oui, mais faut pas parler de Laurent. Écoute. Il interprète les choses. Il interprète tout. Vous rigolez, vous. Vous voulez que je vous repasse le pré-générique? Vous vous foutez de moi ou quoi? Mais non, mais en fait, t'as fini les phrases de Benoît. Je veux pas le défendre, mais. Quand fini la phrase à sa bon, place. Alors je vais vous repasser le pré-générique parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que Benoît a expliqué. On pourrait pas repasser sous le machine, peut-être. Par contre, mais nous, t'as Dorothée. On va repasser sous le machine. T'avais préparé Dorothée. Tu voulais mettre Dorothée? Non, il y avait un Dorothée. Bah là, il est 19h04, Benoît. Tu peux faire plaisir, un petit Dorothée pour finir, si tu veux. Il faut chanter. Je ne sais pas si réellement ça serait une bonne raison de chanter. Tu l'avais mis. Pourquoi tu l'avais mis? Pourquoi tu avais fait ce choix, Laurent? Parce que Dorothée, il faut savoir qu'elle va faire 3 dates. Ah, exact. Et ça s'est vendu en 8 minutes. Parfait. T'as parfait. Est-ce que c'est plus rapide que Tom Anders? Alors là, j'ai pas d'infos. T'as mis 100 balles dans le truc. Non, franchement, non, parce que alors oui, là. On n'a pas eu de Thomas aujourd'hui. On n'a pas eu de Thomas, mais on peut très bien avoir un, parce que là, je suis dans la base de données, non, j'ai Tom Anders. J'ai dit Dorothée. Hein, mais tu veux faire l'émission, Benoît, parce que là, ça va le barrer. Hein. Écoute, moi, il n'y a pas de souci, Tom Anders. Si on a Dorothée, un Tom Anders. Non, Dorothée, c'est bon. Est-ce que je pourrais retrouver ma chanson rapidement? C'est pas sûr. Il faut chanter. C'est pas sûr. Si elle est là. Si je tape Lovely. Non, c'est bon. Est-ce que ça peut me mettre le non mais ça me sort pas. C'est dommage. Moi qui voulais tellement l'entendre. Bah moi aussi, hein, mais je suis déçu. Là il y a un truc. Tu es obligé de revenir la semaine prochaine. Parce que en fait, non mais je suis fou parce qu'en fait si je fais modifier. Fou. Si je suis modifié, voilà, c'est là. Non mais qu'est-ce qui m'a mis, le très en forme. Allez. Il fait n'importe quoi. Mais il fait n'importe quoi. Mais non, c'est pas non mais Dorothée. Oui, Dorothée. Allez, hein. Il faut chanter. Voilà. Il faut. Non, je ne veux pas Thomas D'Arcy. Il faut chanter Dorothée. Non mais je suis dingue de cette chanson là. Je te remercie Benoît parce que celle-là elle est folle. Oh là là là là là. Non mais voilà, j'ai juste mis l'intro. C'est bien. Voici Dorothée.